Le 7-9 sur France Inter. C'est à vous, François. Aujourd'hui, le sujet de ma chronique sera encore la liberté de la presse. A-t-on le droit de tout publier ? Faut-il pratiquer l'autocensure quand on est responsable d'un journal ? Je rappelle les faits. Pendant plusieurs jours, les seins nus avaient disparu de la page 3 du journal très populaire britannique The Sun. Et puis hier, depuis hier, véritable coup de théâtre, authentique coup de Trafalgar, le retour des nichons. Des nichons victorieux, insolents, des nichons conquérants, arrogants, des nichons libérés, découverts, frivoles, futiles, qui ne sont même pas là pour illustrer agréablement un article sur la recherche médicale concernant le cancer du sein. Non, non, ce n'est pas une photo qui traite un sujet particulier. Non, c'est juste les nénés de Nicole, une jeune femme pas fière, très avenante et originaire de Bournemouth. Car le buste féminin, pendant plusieurs jours, avait disparu des écrans radars du tabloïd anglais. La perfide Albion frémissait. Ne plus voir des roploplos en page 3 du Sun, c'est comme si la Tour de Londres s'était écroulée sur elle-même, comme si Westminster s'était transformé en entreprise de restauration rapide, comme si la Tamise ne se résolvait plus à se jeter dans la mer du Nord. Et puis, depuis hier, l'Angleterre s'est réconciliée avec elle-même. Les Robert sont revenus. Alors, a priori, évidemment, on pourrait penser que les nibards de Nicole n'ont qu'un rapport assez lointain avec l'actualité la plus brûlante. C'est possible. En même temps, comment évaluer la liberté éditoriale du Sun ? Plus que jamais, c'est le moment de s'engager, de prendre position. Il ne s'agit pas de passer à côté de l'information. Comment va réagir dans les prochains jours le journal de France 3, qui a un grand sens de la hiérarchie des informations, puisque le 7 janvier, le jour de l'attentat contre Charlie Hebdo, il ouvrait son édition du midi sur les soldes de janvier et l'a terminé par la tradition des bains glacés du Nouvel An avec ses baigneurs qui, en France, continuent de plonger dans la mer avec courage et résolution pendant toute la saison hivernale à Saint-Gilles, Croix-de-Vie, en Vendée. Fallait-il publier la photo des nichounets de Nicole en page 3 du Sun ? La question reste ouverte. Une fois encore, le monde va se diviser en deux, les laudateurs et les contestataires, les opposants et les glorificateurs. Les roux-doudous de Nicole ne laissent personne indifférent. Remarquez au passage comment, avec souplesse, je surfe sur la synonymie, conservant dans ma besace tout un tas de mots qui me permettraient encore de ne pas faire de répétitions intempestives. Les loloches, les rondins, les cadets, les nichemars, les gougouttes, les gardes-côtes, les avant-postes, les mandarines, les pare-chocs, les montgolfières, les titis, les titous, les totoches, les tototes, les toutounes, les trottinés, les frères Karamazov. La photo du Sun en page 3 est-elle une expression sexiste et rétrograde ? Est-ce au contraire une libre évocation de la jeunesse et de la liberté ? Certains manifesteront-ils pour tenter d'interdire la plémate ? D'autres proclameront-ils « Je suis Nicole » pour défendre les lolos controversés ? Je ne sais pas trop en réalité. Peut-être même que je m'en fous un peu. En ce moment, toutes les occasions sont bonnes pour ne pas évoquer un peu plus ce qui plonge dans la détresse et le désarroi. Et allez-vous enrichir la vidéo sur franceinter.fr avec des illustrations ou des photos ? Non, peut-être, c'est pas votre intention. J'y avais pas pensé. François Morel, à vendredi prochain. Merci beaucoup. Dans 10 minutes, Augustin Trapenard. Bonjour.